Edmond Haraucourt rêve. Je me rappelle un soir de rage et d'hystérie où, saoul de notre amour et bleui de baisers, j'étais tombé d'un bloc, pâmé, l'âme tarie, le cœur vide et les reins brisés. Je dormais, et noyé dans l'extase des rêves, j'évoquais l'idéal d'un paradis charnel où de blondes houris, belles comme des Èves, donnaient le coït éternel. Lascivement, sous la transparence des voiles, les nombrils caressants me baisaient au nombril, et passaient, plus nombreux que le troupeau d'étoiles qui passe au ciel des nuits d'avril. Sans cesse, mes désirs chantaient l'épithalame, ma virilité fière ardait comme un grand feu, et sous le vent du rut pour l'échec de sa flamme, l'autel où l'homme devient Dieu. Superbe, elle vibrait sur les chairs qu'on titille, et fouillait, sous le poil qui frise à l'Occident, l'ombre chaude, où l'orgueil de ma force érectile plantait son baiser fécondant. Elle allait, jamais lasse et jamais assouvie, et sous l'étranglement mouillé des spasmes nus, elle crachait à flot les germes de la vie au creuset rose de Vénus. Les bras blancs m'étouffaient sur les poitrines blanches, les bustes sous mon corps se tordaient, pantelants, de longs frissons crispaient la rondeur ample des hanches, les genoux craquaient sur mes flancs. Puis, c'était la douceur des doigts errant sur l'aine, l'effleurement lascif et rôdeur des seins lourds, et la langue, au milieu des parfums de la laine, posant ses touchés de velours. C'était cette soif lubrique de vampire qui colle ses suçoirs sur l'homme turgescent, qui, s'enivrant des sucs masculins qu'elle aspire, va puiser l'âme au fond du sang. C'était plus qu'on ne rêve et plus qu'on ne devine, ce que nul être humain n'a conçu ni chanté. C'était tout ce que peut l'érection divine travaillant dans l'éternité. Ah, ce que j'ai connu dans cette heure sublime, l'immensité d'un rut peuplant les univers, et ma sève coulant à remplir un abîme plus insondable que les mers. Tout ce que j'ai goûté d'indicibles ivresses. Les siècles de coït passaient comme des jours, et j'aimais en un jour des milliers de maîtresses. Et toujours, toujours, et toujours. Rêve, hélas, et depuis qu'il leurra ma pensée, je traîne dans mon cœur l'impuissance d'un vœu et l'âpre souvenir de ma force passée. Moi qui suis homme et qui fus Dieu.